déambule, noctambule, déambule dans le vestibule. Victor l'alligator met trop fort son transistor. Bernard Lézard, Lézard, en sapant à répar au bar, Casimir le satire, fait ramollir ses poupées de cire. Petite coquine, prend sa tartine dans la moustine. Gustave, c'est l'homme qui bave, et dans la cave mange des chouraves. Gladys, l'écrevisse, montre ses cuisses à une génisse. Fait des bébés à la mémé, Prosper qui manque pas d'air,